toutes vos copines qui ont des boutons, toutes vos copines qui ont des jambes comme des chambres d'eau, sur leur tête en pleurs, j'y mettrai des pains, dans ton juge bouilleux, j'y mettrai pas ma queue, je préférerais te faire un chien.